بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Donc nous continuons nos cours de fiqh basés sur l'explication du livre Manhaj al-Salikin, l'imam al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala. Et nous sommes arrivés au chapitre Babu Nawaqid al-Wudu, chapitre concernant les annulatifs d'al-Wudu, des ablutions. On avait commencé avec al-Khaliju min al-Sabilayn, mutlaqan, tout ce qui sort des deux orifices, des parties intimes, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, et mutlaqan, que ce soit normal, entre guillemets, comme l'urine, les gaz, etc., ou que ce soit quelque chose qui ne soit pas normal, comme on avait dit, le sang ou les pierres, etc. Waddamul kathiru, on a parlé aussi également le sang en grande quantité, on a parlé du sujet et de la divergence entre les savants. وَزَوَالُ الْعَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْلِهِ, le fait de perdre la raison, que ce soit lors du sommeil, lorsqu'on dort, on n'a plus conscience, ou lorsqu'on perd connaissance, lorsqu'on a un malaise, etc. Ou alors lorsque la folie ou la démence touche la personne. Et on avait terminé la semaine dernière avec le sujet de quoi ? Wa aklu lahmil jazour, le fait de manger la viande de chameau. Et là aussi il y avait un khilaf, une divergence. Et la majorité des savants voient que ceci n'annule pas les ablutions. Et notamment l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Mais est-ce qui est authentique ou est-ce qui est correct concernant les textes ? Et notamment le hadith de Jabir ibn Samura, radiallahu anhu, c'est que le fait de manger la viande de chameau annule les ablutions. Ensuite, l'imam al-Sa'di dit وَمَسُّ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ, et le fait de toucher la femme avec désir, avec envie. On explique ceci Inch'Allah. بعض أهل العلم جعله من نواقض الوضوء مطلقا ولا يلتفت إلى الشهوات وهو مذهب الشافعي. Certains gens de science ont dit que le fait de toucher la femme annule les ablutions. Et de façon globale, que ce soit avec envie ou sans, avec désir ou sans. Et ça, c'est l'avis ou c'est le madhab de qui ? De Shafi'i, rahimahullahu ta'ala. Wa kana yastadillu bil aya aw lamastumun nisa. Yaqul al mas ala haqiqatihi. Et il utilise le verset dans Surat al-Ma'ida. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au sens approché, ou si vous touchez les femmes, ou si vous touchez les femmes dans l'ayat al-wudu, dans le verset concernant les ablutions. Donc il dit ici toucher les femmes, yani, comme le verset l'indique, tu touches une femme, tu perds les ablutions. Wa khalafahu fi dhalika al-jumhur, mais la majorité des savants on contredit l'imam al-Shafi'i à ce sujet. وَذَهَبُوا أَنَّهُ لَا يَنْقِدُ الْوُدُوْ وَالْمَقْصُوْ بِالْمَسْ فِي الْآيَا وَالْجِمَاعِ. Et la majorité des savants disent non, toucher la femme n'annule pas les ablutions. Mais ce qui est voulu dans ce verset, ou si vous touchez les femmes, ce n'est pas le fait de toucher, mais c'est le fait d'avoir un rapport. d'avoir un rapport avec une femme, un rapport intime, ce qu'on appelle le jima'a. لأن سياق الآية يدل على ذلك. الآية تتكلم عن الطهارتين الكبرى والصغرى. Allah subhanahu wa ta'ala dit: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاءكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. Ici Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset de Al-Wudu: ô vous qui croyez, si vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et lavez vos mains jusqu'au coude, puis passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état de grande impureté, junub, en état de janaba, alors purifiez-vous. Et si vous êtes malade ou en voyage, ou que un d'entre vous revient de l'endroit où il a fait ses besoins naturels, ou qu'il a touché les femmes. Il a mentionné quoi? L'endroit, s'il revient de l'endroit où il a fait ses besoins, il a mentionné le fait de toucher les femmes. فَذَكَرَ الْغَائِتِ وَهُوَ الْحَدَثِ الْأَصْخَرَ وَذَكَرَ مَعُوا أَيْضًا الْحَدَثَ الْأَكْبَرَ وَهُوَ الْجِمَاعِ. Regardez le verset. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le fait de revenir des besoins, quand tu as fait tes besoins naturels, akramakumullah. Ça, c'est quoi? La petite impureté ou la grande impureté? La petite impureté. Et après, il mentionne le fait de toucher les femmes. Ça, c'est... Est-ce que c'est vraiment le toucher qui est voulu? Non, qu'est-ce qui est voulu? Al-jima', yani le rapport sexuel entre l'homme et la femme. Et ça représente quoi? La grande impureté. D'un côté la petite, d'un côté la grande. ويؤكد ذلك فهم السلف. عن ابن عباس رضي الله عنه بأسانيد صحيحة أنه كان يفصل المس بالجماع. Et qu'est-ce qui vient appuyer cette explication du verset? C'est la compréhension des pieux prédécesseurs, des compagnons, et parmi eux Abdullah ibn Abbas. Il est rapporté selon Abdullah ibn Abbas qu'il expliquait Aula mastumun nisa, et que vous avez touché les femmes. Il expliquait que ceci représentait quoi? Al-jima kana yaqul inna Allah azza wa jalla yukni bima yasha. Il disait Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne de la façon qu'il le souhaite. Il appelle ici le rapport charnel, le rapport sexuel, de la façon que Allah Azza wa Jalla l'a voulu. Ici, il a mentionné comment? Sur le fait de toucher les femmes. Et dans le Coran, il y a beaucoup de versets où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne un terme pour mentionner un acte, par exemple. Al-Muhim, al-Sahih, anna mas al-mar'ah la yanqudu al-wudu. بل جاء في سنن أبي داود وعند أحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة. Et donc ce qui est juste, ce qui est correct, mes frères, dans ce sujet, c'est que le fait de toucher la femme, ça n'annule pas les ablutions. Mais plutôt, il a été rapporté dans le livre As-Sunan de Abu Daoud, qui est mort en... Abu Daoud, il faut réviser, là, tu ne révises pas. 3 ans. Oh, t'es loin, là. T'es parti loin. Abu Daoud. Abu Daoud est mort en 275. Et aussi dans le Musnad de l'imam Ahmed, qui est mort en 241. Et sachez, mes frères, que l'imam Ahmed était le shir de Abu Daoud. L'imam Ahmed était le shir de Abu Daoud. C'est pour ça, des fois, tu vois, Abu Daoud, il dit « Qala Abu Abdillah ». C'est qui? L'imam Ahmed. Al-Muhim. Dans Sunan Abi Dawud et le Musnad de l'Imam Ahmed, il est venu un hadith de Aïcha, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait certaines de ses femmes, puis allait, il sortait pour aller prier. فَيَتَوَضَّ ثُمَّ يُقَبِّلْ بَعْدَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَخْرُجْ لَسَّلَةِ. Donc il fait les ablutions, il embrasse sallallahu alayhi wa sallam certaines de ses femmes, et ensuite il va à la prière. حتى قال عروة وما أرى إلا أنت فضحك. عروة, c'est qui عروة؟ عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير. Suivez, restez bien attentifs, mes frères. Hein? Soyez bien attentifs. عروة ابن الزبير, lorsqu'il entend ce hadith de Aïcha, qu'est-ce qu'il lui dit à Aïcha? Il dit, parce que Aïcha dit, le prophète embrassait certaines de ses femmes. Il dit, je vois personne d'autre excepté toi. Urwa, il dit ça à Aïcha. Aïcha, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rigolé. C'est qui Urwa? Le fils de Zubair. Zubair. Et sa mère? C'est qui la mère de Urwa? La femme de Zubair? C'est qui? Asma. Asma, c'est qui? La sœur de Aïcha. Donc Urwa, c'est qui? Le neveu de Aïcha. C'est sa tante. C'est sa tante maternelle. Hein? Donc il y a une relation familiale en plus d'être une relation entre le professeur et son élève. Alors Urwa, comme c'est sa tante, il dit à sa tante, je ne vois pas une autre femme que toi qui rentre dans ce hadith. Et elle a rigolé. Elle a rigolé pour effectivement c'est elle, mais elle avait honte de le mentionner. Radiyallahu anha wa an jami'i as-sahaba. وهذا الحديث عند البخاري وهو حجة للأحناف الذين يرون أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. Et ce hadith, il est dans Sahih Bukhari. Et ça, c'est une preuve qui est solide. Hein? Pour appuyer l'avis des Ahnaf, ceux qui suivent l'école de l'imam Abu Hanifa, qui lui voit que toucher une femme, ça n'annule dans aucune circonstance les ablutions. والطائفة ترى الاستحباب والطائفة قيدوه بالشهوة كما ذكر المؤلف. Il y a un autre groupe de savants, ils ont dit non, c'est pas obligatoire mais c'est préférable. C'est pas obligatoire mais si tu touches une femme, il est préférable que tu refasses les ablutions. D'autres ont dit, et c'est comme ici a mentionné l'auteur du livre, eux ils ont dit c'est obligatoire si tu la touches avec désir, avec envie. Shahwa. Hein? Et ça, c'est le madhab de l'imam Ahmed. D'accord? Donc si on résume, il y en a qui disent que ça, dès que tu touches la femme, tes ablutions sont annulées. Quoi qu'il arrive. D'autres ont dit non, si tu la touches avec désir. Mais si tu la touches pas avec désir, c'est pas annulé. D'autres ont dit c'est préférable, si tu la touches c'est préférable de faire les ablutions. Et d'autres ont dit, et c'est ça la vie le plus juste, wallahu a'lam, si tu touches la femme avec ou sans désir, le fait de la toucher n'annule pas les ablutions. Cependant naqul idha qabbala imra'a bishahwa wa la yakhruj shay la yanqud alwudu na'am. لكن إذا علم من نفسه أنه رجل مذي يعني كثيرا مذي إذا قبل قد يخرج شيء بل غالبا يخرج فهنا نعم يتوضأ ليس للقبلة يعني نفسها ما ولكن لخروج المذي هو الذي ينقض الوضوء. فهمتم؟ Cependant, nous disons, effectivement, si tu touches une femme avec désir, ça n'annule pas les ablutions. Mais si tu es une personne, qui a le mazi qui sort facilement. Le mazi, on a dit, c'est quoi? C'est ce liquide qui est transparent, visqueux, qui est gluant et qui sort lors de l'excitation. Pas pendant l'acte, il n'y a pas lorsque la personne jouit, parce que là c'est le sperme qui sort, mais avant cela, Ce liquide qui sort, on l'appelle en arabe mavi. En français, il l'appelle, je crois, le liquide préspermatique. Hein? Allahu a'lam, on en a déjà parlé dans nos cours précédents. Ce liquide, il sort donc quand il y a de l'envie. Et donc, si la personne, elle sait qu'elle est, elle est quelqu'un dont le liquide sort facilement, dès qu'il y a une petite envie, hein, ça sort. Hein? Alors là, nous disons oui. Lui, il fait des ablutions. Mais pas parce qu'il a embrassé la femme ou l'a touchée. Parce qu'il est sorti, elle m'a dit. Comme qui? Quel sahabi? Hein? Ali, radiallahu anhu. Hein, le hadith de Al-Miqdad, très connu. Hein, où Ali était une personne qui le mentionne lui-même, qui, hein, qui était mavi et qui sortait, hein, le mavi facilement. Mais il ne pouvait pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi. Parce que c'était le mari de Fatima, sa fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant que mari, il ne peut pas aller voir le prophète dire je suis un homme, le mavi sort facilement, hein, et c'est sa fille, c'est Fatima. Yani, yastahi. Il a de la pudeur, il a honte. Donc il a envoyé qui? Al-Miqdad. Al-Miqdad. Hein, radiallahu anhu, qui a demandé le prophète, et le prophète lui a dit hein, si le mavi il sort, alors tu laves les parties intimes, hein, et ce qui apparaît hein, selon l'avis le plus juste des savants, c'est qu'il lave toutes les parties, hein, le sexe lui-même et également les testicules et l'endroit qui est touché, hein, l'endroit qui est touché par ce liquide, d'accord, et ensuite il fait des ablutions. Donc ici nous disons quoi? Si la personne, chacun se connaît. Cette personne sait comment il est. Si c'est une personne que le mavi sort facilement, alors s'il embrasse sa femme, hein, ou s'il touche sa femme et qu'il a connaissance de cela, alors là, il faut qu'il refasse les ablutions. Mais s'il sait qu'il peut embrasser sa femme sans, hein, que rien, sans rien ne sort, hein, de ses parties intimes, alhamdoulilah, il n'a pas besoin de refaire les ablutions. Fahimtoum. وكذلك من الأدلة جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل فجاءت عائشة تتحسس فقالت فأخذت بقدميه وهو ساجد فلو المس ينقض الوضوء كان يخرج من صلاته. Ça aussi, c'est une preuve qui est forte, qui est solide. Hein? Cette preuve, c'est quoi? Il est rapporté dans Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit. Qiyam al-layl. Et Aïcha, hein, le prophète priait dans la chambre de Aïcha. La nuit, il se lève, bien sûr, la nuit, c'est comment? C'est noir. Il fait noir, il n'y a pas de lumière. Hein, il n'y avait pas d'électricité comme à notre époque. Hein. Il fait noir. Donc elle tâtonne pour voir où est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à qu'elle touche son pied. Elle touche le pied de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle touche son pied et elle voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en état de prosternation. Est-ce que le prophète est sorti de la prière et a refait les ablutions? Non. Si le fait de toucher une femme annulait les ablutions, alors il serait sorti, il aurait refait les ablutions. Certains ont interprété ou ils ont tourné l'affaire, ils ont dit ouais, mais Aïcha, elle avait, entre elle et le pied du professeur, il y avait un ha'il, il y avait quelque chose qui empêchait de toucher directement un drap ou un gant, ou etc. Mais ça, c'est une interprétation qui est loin. Hein, qui est loin. Des fois, vous allez voir, mes frères, si vous commencez à étudier les livres de fiqh, hein, quand vous rentrez dans les livres des madahib, des différentes écoles, certains, attention, je ne dis pas tout, mais certains savants, dans certains madahib, ils vont défendre leur avis bec et ongle, comme on dit en français. Ils vont tout faire, ils vont dire, ah non, comme ça, ils vont aller chercher à droite, à gauche, ils vont ramener des choses qui ne sont pas concevables, d'accord? Pourquoi? Pour appuyer, pour confirmer l'avis de leur madhab. D'accord? Mais bien sûr, hein, on a déjà parlé des madhab dans l'introduction de nos cours de fiqh. Hein, naam, il est permis d'avoir un madhab, madhab maliki, wa hanafi, wa hanbali, wa shafi'i. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, l'interdiction, c'est quoi? C'est un ta'assoub. C'est l'accrochement ou le fanatisme. Le fait de prendre l'avis de son madhab quoi qu'il arrive. La preuve, elle vient, un hadith ou un verset qui contredit l'avis de mon madhab. Non, je ne prends pas, je délaisse, je prends mon madhab. Ça, c'est interdit par contre. Mais on a le droit d'être sur un madhab. On avait déjà parlé de cela en détail. Taïb, vous avez compris le fait de toucher une femme? Donc on a dit, c'est quoi le rajih? Hein? Fadal? Non, là, eux, ils font pas de différence entre est-ce que c'est ta femme ou pas ta femme. Déjà, si c'est pas ta femme, là, t'es dans le haram. T'es dans le péché. Parce que il est interdit qu'un homme touche une femme étrangère, hein, ou qu'une femme touche un homme étranger. Ça, c'est interdit. Donc déjà, là, hein, encore plus, on va dire. Si ça serait comme tu le dis, ce serait encore plus juste que la femme étrangère, elle touche l'homme, parce que c'est interdit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de différence entre que ce soit ta femme ou une autre femme. D'accord? Ah, ou toi tu veux dire par exemple quelqu'un de ta famille, c'est ça que tu veux dire? Par exemple tu veux dire une tante, etc. Hein? De manière générale. Non, quoi qu'il en soit, on a vu que l'avis le plus juste et les preuves sont là devant nous. Hein? C'est que le fait de toucher une femme, ça n'annule pas les ablutions. Yani, ici, les hadiths, ça concerne, c'est mentionné la femme du prophète. Alors si la femme du prophète... Le fait de toucher sa femme, son épouse, ça n'annule pas les ablutions. Alors encore moins si tu touches ta mère, ta soeur ou ta cousine, ta tante. Excusez-moi, ma cousine n'a pas le droit. A'oudou billah. Fahimtoum, sabr qu'il lisan. Hein? Ah, taïb. Attention, hein, les cousines sont des femmes étrangères. Les cousines sont des femmes étrangères. D'accord? On n'a pas le droit de s'isoler avec les cousines. On n'a pas le droit, hein, de familiariser avec les cousines. On n'a pas le droit de toucher sa cousine. On n'a pas le droit d'embrasser sa cousine. Même si, hein, je sais que dans certaines familles, ça peut paraître être quelque chose d'absurde. Mais c'est la sunna, c'est l'islam, c'est ça. Hein? Est-ce qu'il t'est permis de te marier avec ta cousine? Oui. Et donc, c'est une femme étrangère. Donc, c'est une femme étrangère. Donc, hein, on ne dit pas que tu dois l'ignorer totalement. Non. Si tu la crois, tu dis salam alaikum, comment va ton père, comment va ta mère, il n'y a pas de problème. Hein, sans rentrer dans, hein, la sociabilisation, le fait de socialiser avec elle, hein, de parler de tout, de rien, etc. Ou de t'isoler avec elle, ça, non, c'est pas permis. Avec la cousine, El Mouhim. Ça, je pense que vous allez en parler dans les cours sur les femmes avec Dr Mohamed Diop, Inch'Allah Ta'ala. Donc on a dit, le fait de toucher une femme n'annule pas les ablutions. Pourquoi ici l'auteur, il le mentionne? Parce que l'auteur, il est sur madhab de l'imam Ahmed. D'accord? Tout comme lorsqu'on avait fait les cours de Risala, on avait vu des avis qui étaient sur le madhab de l'imam Malik. Voilà pourquoi, en fait, quand vous étudiez un livre de fiqh, forcément, vous êtes guidé par le madhab de l'auteur. D'accord? Sabi'an wa tarsilu al-mayyit. Astaghfirullah. Sadisan wa massu al-farj. Sixièmement, le fait de toucher les parties intimes. Toucher les parties intime, d'accord? On dit toucher son sexe. هذه المسألة أيضا اختلف العلماء فيها ثلاثة أقوال. Également dans ce sujet, les savants ont divergé. Hein? On a vu qu'il y a pas de problème sur les premiers, hein, le fait que tout ce qui sort des orifices, etc. Mais là, également, les savants ont divergé en trois avis. جاء حديث طلق Ibn Ali radiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an mas al-farj fa qala innama huwa bad'atun mink ay wa hadha fi sunan nabiy daud yani ka'annahu yaqul wa ka'anfik aw yadik yani la yanqud al-wudu. Pourquoi ils ont divergé? Principalement, il y a deux hadiths qui d'apparence sont contradictoires. Et je vous rappelle, mes frères, une chose très importante. Très importante. Dans les fondements de la religion, dans les fondements du fiqh, hein, il n'y a pas de contradiction ou d'opposition entre deux textes. Ce n'est pas possible qu'il y ait deux textes, hein, qui s'opposent et qu'il y a une contradiction. Quand il y a deux textes qui d'apparence, c'est pour ça qu'on dit d'apparence, s'opposent, il y a toujours, hein, les savants l'expliquent toujours d'une façon pour prouver qu'il n'y a pas d'opposition en fait entre ces deux choses. Hein? Nous, on n'a pas de science, on n'a pas de connaissance, on dit, ah ben là, il y a une contradiction dans l'islam. C'est pas logique, il y a une contradiction. Non. C'est notre science qui est faible, qui est absente. Mais ceux qui ont la science, ils t'expliquent qu'en fait, ici, il n'y a pas de contradiction. D'accord ? Soit, par exemple, un des deux hadiths, il est darif, il n'est pas authentique. Donc, on ne peut pas le prendre en considération. Soit ce hadith, il veut dire ça, mais en fait, celui-là, il veut dire autre chose que ce que tu penses de ce qu'il veut dire. D'accord ? Retournez au livre de Usul Fiqh qui explique ce sujet en détail. Donc, le premier hadith, on a le hadith de Talq. Radiallahu anhu, qui dit, j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait de toucher son sexe. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est seulement une partie de toi. C'est seulement une partie de toi. C'est comme si le prophète disait, c'est comme ton nez ou ton visage ou tes mains. Le fait de toucher, ça n'est pas les ablutions. Wal hadith thani, hadith Busra, man massa farjahu fayatawadda. Deuxième hadith, c'est le hadith de Busra, radiallahu anha, sahabiya, une femme compagnon, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui touche son sexe, alors qu'il fasse les ablutions. D'apparence, c'est une contradiction ou pas? Non. Mais les ulémas ont expliqué. Mais c'est pour ça qu'il y a une divergence entre les savants. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont expliqué de différentes manières. Hein? وكذلك هذا الحديث جاء من حديث أم حبيبة وغيرها. الحديث il est pas seulement venu de Busra, mais il est connu par le hadith de Busra et il est également rapporté de Umm Habiba. C'est qui Umm Habiba? La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Ramla, qui était la fille de Abu Sufyan et Hind, la sœur de qui? Non, Umm Habiba, c'est la sœur de qui? Oui, à grand chelem. Il a fait le grand chelem, mashallah. Ambalek. Masallah, niazidak min fadli. Mashallah. Naam. Wakilahuma sahihan. Les deux hadiths sont authentiques. Même si, pour être honnête, certains savants ont rendu faible un des deux hadiths. Mais ce qui est le plus juste, c'est que les deux hadiths sont authentiques. Hein? Comme l'a mentionné Ahlul Hadith, les gens du Hadith. فَيَجِبُ أَنْ نُوَفِّقَ بَيْنَهُمَا فَنَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بِشَهْوَةٍ فَيَتَوَضَّأُ وَأَمَّا مَنْ مَسَّهُ مُجَرَّدَ الْمَسِّ كَمَا يَمَسُّ يَدَهُ فَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ هَذَا قَوْلٌ مِنْ طَائِفَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. Donc on est obligé de quoi? De trouver. De regrouper ou de trouver une solution qui regroupe les deux hadiths. Donc il y a un groupe de savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit, si on regroupe les deux hadiths, ça veut dire quoi? Si tu touches tes parties intimes avec désir, avec envie, si tu touches ton sexe avec envie et avec désir, là ça annule les ablutions. Mais si juste tu le touches comme si tu touchais ta main, là ça annule pas les ablutions, et comme ça on peut faire le regroupement entre les deux hadiths. Donc hum yuqayyidun al-amr bi Bishahwa. Eux, ils spécifient la chose avec quoi? Avec le désir, l'envie. Tu touches avec désir, tes ablutions sont annulées. Tu touches sans désir, tes ablutions ne sont pas annulées. Par exemple, ça arrive, tu te douches. Tu te douches et puis ta main touche tes parties. Tu l'as fait avec désir ou non? Non. Donc ici, selon eux, ça n'annule pas les ablutions. Wal mu'allif ma qayyada li'anna hadha madhhab al-imam Ahmed. Lui, l'auteur du livre, il n'a pas dit avec ou sans désir. Il dit, tu touches, ça annule. Pourquoi? Parce que c'est l'avis de l'imam Ahmed. D'accord? Wa shaykhu l'islam ibn Taymiyyah ikhtar qawlan infarada bihi. Walau nusiba ila malik, faqal yustahab al-wudu min mass al-farj. Lui, shaykhu l'islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit un troisième avis. Et lui, en disant ce troisième avis, c'est un avis qui est différent des quatre écoles. Même si certains ont dit que c'est l'avis de l'imam Malik. Vous savez, des fois dans l'école, le même, le, un imam, il, a plus, il peut avoir plusieurs avis sur un sujet. Hein? Regardez la complexité du fiqh. Hein? Mais nous, on ne veut pas rentrer dans la complexité. Pour l'instant, on veut rester simple. Là, j'essaie de rester simple, mais des fois, tu as envie de pousser plus loin, tu vois. Al-Muhim, c'est ça la douceur et la volupté de la science. Hein? La science, c'est délicieux. Hein, t'as vu, quand tu commences à goûter les avis, les hadiths, hein, pourquoi il dit ça pour, hein, c'est intéressant, ça, c'est motivant. Hein. Et c'est ça la douceur de la science. Lui, l'imam Mali, Cheikh l'Islam, il dit quoi ? Ani, c'est recommandé. Comment on fait le rapport entre les deux hadiths ? C'est-à-dire que si tu touches tes parties intimes, il est mustahab, il est recommandé de refaire les ablutions, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord ? Wa ta'ifa taqul nasikh wa mansour. حديث طلق بن علي منسوخ كان في أول الإسلام والثاني في الآخر ولا دليل على ذلك. D'autres ont dit, un quatrième avis, ils ont dit, hein, le hadith de Talq, le premier qui a dit, le prophète a dit, c'est seulement une partie de toi. Ils ont dit ça, c'est mansoukh, c'est abrogé. C'était au début de l'islam. Après, à la fin de l'islam, ce hadith a été annulé par le hadith de Bousra. Donc il dit au début, oui, au début tu pouvais toucher tes parties, mais à la fin, hein, non, si tu touches tes parties, tes ablutions sont invalides et tu dois les refaire. Mais ça, il n'y a pas de preuve. Pour dire que tel texte est abrogé, il faut une preuve. C'est pas comme ça, je viens, je dis c'est mon... Non, il faut une preuve. Une preuve par rapport au temps, par rapport au qara'in, hein, aux différents éléments qui peuvent, hein, entourer le sujet. Mais là, il n'y a pas de preuve pour dire ça. Donc nous disons wallahu ta'ala a'lam as-sawab qul shir al-islam ibn taymiya wa huwa alladhi yatma'in an-nafs. Et nous disons, hein, que la vie le plus sûr, wallahu a'lam, c'est la vie de shir al-islam, c'est que c'est mustahab. Tu touches tes parties, c'est mieux de refaire tes ablutions, c'est mieux, et tu les refais, c'est mieux, hein, et c'est ta vie là qui apaise le cœur, d'accord, wallahu a'lam. Certains disent le mieux, yani tu refais, comme ça tu sors de la divergence, d'accord. Mais si tu vois quelqu'un qui touche ses parties et qui ne fait pas les ablutions, hein, tu ne peux pas le combattre. Ta prière est annulée. Non. Il a son avis, il a des savants, il a des preuves avec lui. C'est son avis. On respecte. Hein, quand il y a des divergences dans le fiqh, ça ne doit pas être des sujets de fitna. Hein, ça ne doit pas être des sujets de trouble entre les frères ou entre les sœurs ou entre les musulmans en général. Hein. C'est son avis, d'accord. Il a ses preuves. Bien sûr, si quelqu'un vient avec un avis, il n'a aucune preuve, il n'a aucun savant avec lui, ou alors c'est des savants de l'égarement, etc. Bien sûr, là, tu le débats avec lui, là, tu contredis ce qu'il dit, si tu as les armes, si tu as la science pour le faire. Mais si c'est quelqu'un, il a ses preuves, il a son avis, alhamdoulilah. Rappelez-vous, je vous avais cité, hein, le débat entre ces deux grands imams. Hein, lorsqu'il y en a un qui voyait un avis, et l'autre voyait l'autre avis. J'ai oublié le sujet là, je sais pas si j'avais mentionné, mais j'ai oublié. C'était sur le Haïd, non ? J'ai pas mentionné. Hein. Mais chacun défendait son avis. Hein ? Et chacun. Allah a dit, le prophète a dit. Chacun il débat avec ses armes, avec sa science. À la fin de la journée, chacun rentre chez lui. Chacun pense, subhanallah, il a raison. Ah, il a raison, son avis est plus fort. Et l'homme, ils reviennent et ils redébattent, mais. Ils défendent la vie de ce contraire à ce qu'il avait. Et ils redébattent sur le sujet, subhanallah. C'est pareil, vous regardez le livre de Cheikh de Ibn Qayyim, Al-Jawziyya, rahmoullah, sur As-Salah, la prière. Il ramène un chapitre, hein, sur la prière. Est-ce que celui qui délaisse la prière volontairement est musulman ou non, hein? Donc il ramène un chapitre, hein, les preuves de ceux qui disent qu'il est mécréant. Donc tu lis les preuves. C'est mashallah, c'est, tu vois, c'est qawi, c'est fort ce qu'il dit. Après, un autre chapitre, les preuves de ceux qui disent qu'il n'est pas mécréant, il reste musulman. Celui qui délaisse la prière volontairement, par fainéantise. On ne parle pas de celui qui délaisse, qui dit la prière, ce n'est pas obligatoire. Lui, il est kafir. Mais on parle de celui qui fait par fainéantise. Tu lis le deuxième chapitre, tu dis, ouais, ça c'est fort aussi. Un autre chapitre, réfutation aux preuves de ceux qui disent qu'il reste musulman. Quatrième chapitre, réfutation de ceux qui disent qu'il reste, qu'il est mécréant. Et tu vois que comme ça, dans chaque chapitre, il travaille la matière, il travaille le sujet, il mentionne les preuves et les arguments contre ces preuves. Al-Muhim. On est où là? Ah ouais. C'est qu'il reste combien de temps? Ouais. Trois avis. On peut citer trois avis. Ceux qui disent que ça annule totalement les ablutions, l'imam Ahmed et l'auteur du livre, l'imam Saadi. Ceux qui disent que si tu touches avec envie, ça annule. Si tu touches pas avec envie, hein, normalement, ça n'annule pas. Ceux et Cheikh l'Islam qui dit hein, que c'est mustahab, c'est seulement recommandé de refaire. Il y a d'autres avis. Hein, après, ils ont été, il y en a qui disent si tu touches avec le bas de la main ou avec le haut de la main. Hein? Par contre, ils sont tous unanimes. Si tu touches tes parties intimes, par-dessus ton pantalon par exemple, ou avec des gants pour les femmes, si elles ont un gant, elles touchent leur partie, ça n'annule pas les ablutions. S'il y a quelque chose entre ta main, la peau de ta main et les parties intimes. Mais il y a eu plusieurs avis à l'intérieur de la main. Si vous regardez les avis dans le Madhab Maliki, il y a au moins 5, 6, 7 avis. Avec l'intérieur de la main, avec les mains, si tu avais envie, si tu n'as pas envie, etc. Al-Muhim, on vous cite les avis les plus connus. Mais on a cité 4 alors. On a dit ça annule totalement. L'imam Ahmad, Masrul Faraj Mutlaqan. Non. Par exemple, Masrul Faraj. Le Farj. Le Farj, mais Shahwa. Non. Shahwa, et si c'est avec Farj, avec Shahwa, ça annule. Si c'est pas avec Shahwa, ça annule pas. Ça, c'est même avis, ça. Non. Al-Istihbab. Non. Ah oui, Barakallahu fik, naam. Nasir Mansour, mais ça revient à quoi? En fait, ça revient un peu à la vie de l'imam Ahmed. En fait, c'est une explication pour ceux qui voient l'imam Ahmed que c'est quoi? Que ça annule les ablutions. Ils vont t'expliquer pourquoi, comment on fait le regroupement entre les hadiths. Il est abrogé et abrogeant. Le texte est abrogé, le texte de Tarq. Tu comprends? Non. Taïb, il restera deux points qu'il a mentionnés, le shir, hein, le fait de laver le mort. Et le fait d'apostasier, hein, le fait de sortir de l'islam. On va expliquer ça aussi la semaine prochaine, Inch'Allah, parce que là, il n'y a plus le temps. Alhamdoulilah, yani, nawaqid al-wudu, généralement, ça prend du temps. Là, on est rentré un petit peu dans les divergences. C'est afin que vous ayez les armes. Yani, hein, vous allez rencontrer des gens. Hein, des fois, vous allez discuter. On va dire, non, ça annule pas. Non, ça annule. Mais il faut que tu connaisses un minimum le sujet. Ça, c'est le minimum. Tu connais les textes, hein, les grands textes, pas tous les textes, mais les textes principaux du sujet. Tu connais à peu près les avis, hein, et comment on peut répondre des fois à certains avis. Ça, c'est le minimum. D'accord? Parce que des fois, si tu rencontres un camarade, un collègue, hein, quelqu'un de ta famille, hein, tu le vois, hein, par exemple, hein, il va faire quelque chose qui, pour toi, annule les ablutions. Et lui, il ne refait pas ses ablutions. Hein, par exemple, il t'invite chez toi. Il t'invite chez lui, hein, et il a préparé quoi? Un bon tiep avec un chameau. Guilhem. Hein, et vous mangez. C'est l'heure de la salade. Tu lui dis, donne-moi de l'eau. Il va dire, pourquoi? Je dois faire mes ablutions. T'as pas les ablutions? Ben oui, je viens de manger la viande. Mais non, ils annulent. Ah, comment tu fais? Il faut que tu saches. Lui va dire, non, ça n'est pas les ablutions. Le hadith que tu mentionnes, il est abrogé. Ah, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas être troublé. C'est pour ça les cours ici, hein, on essaye de un petit peu, sans rentrer trop en profondeur, mais un petit peu, hein, voir les avis et sur quoi ils se basent, hein, pour pouvoir, hein, justement maîtriser un petit peu le sujet. Fahimtoum. Al-Muhim, jazakumullahu khairan, ikhwa. وقت الأذان والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.